Bonsoir à tous et bienvenue dans cette dernière édition en français de ce 11 octobre. Et en voici la charpente. Le gouvernement burundais suspend toute coopération et collaboration avec le Haut Commissariat des droits de l'homme au Burundi jusqu'à nouvel ordre et déclare indésirables les trois experts onusiens ayant enquêté sur les violations des droits de l'homme au Burundi depuis fin avril 2015. Vous entendrez dans ce journal le porte-parole et secrétaire général du gouvernement. L'officier du ministère public demande la perpétuité pour les présumés auteurs de l'assassinat du général Adolphe Nshimirimana, tué le 2 août de l'année passée. La défense rejette en bloc les accusations et demande par contre leur libération immédiate et sans condition. Trois personnes sont mortes, deux autres blessées lors d'une attaque dans un débit de boissons situé sur la colline Rutemé, en commune Bugarama de la province Rumonge. Dans la nuit de ce lundi, la police à Rumonge appelle la population à veiller pour sa propre sécurité. Dans la chronique santé de ce mardi, le neurologue Patrice Balasukana nous parlera de l'épilepsie, qui est une maladie qui peut être traitée. Vous l'entendrez dans ce journal mis en onde par François Akimana. À la présentation, Mireille Kanyang, bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir, page politique. Pour ouvrir ce journal, le gouvernement du Burundi suspend la coopération avec le bureau de l'Office du Haut Commissariat des droits de l'homme au Burundi. Dans un communiqué, Philippe Nzobonariba, porte-parole et secrétaire général du gouvernement, indique que cette décision est prise en réaction par rapport au rôle qu'a joué ce bureau dans l'élaboration du rapport des experts des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi, un rapport qu'il qualifie de mensonger. On l'écoute. Suite à la complicité jouée par le bureau de l'Office du Haut Commissariat des droits de l'homme au Burundi dans l'élaboration du rapport mensonger et controversé des experts de la prétendue enquête indépendante des Nations Unies au Burundi et ENUB, le gouvernement du Burundi a décidé de suspendre toute coopération et collaboration dans toutes ses structures avec ce bureau, et ce jusqu'à nouvel ordre. La décision a été communiquée aux responsables de ce bureau lors d'une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale ce lundi 10 octobre 2016. À cet effet, le Burundi demande en attendant au bureau de l'Office du Haut Commissaire des droits de l'homme de désigner une équipe pour renégocier l'accord de siège qui déterminera le mandat, la durée et la taille de son personnel au Burundi. En plus de cette décision, le gouvernement du Burundi déclare persona non grata sur son territoire les trois experts de l'ENUB dont les noms sont Madame Sahili Fadel Maya, de nationalité algérienne, Monsieur Christophe Hens, de nationalité sud-africaine, et Monsieur Pablo Dogliff, de nationalité colombienne, pour manquement et préjudice grave causé à l'État et au peuple burundais. Philippe Nzobonariba, c'est le porte-parole et secrétaire général du gouvernement burundais. Ce gouvernement devrait avoir de bonnes relations avec les pays de la région et la communauté internationale. C'est du moins l'avis de Domitien Ndayizeye, ancien chef d'État du Burundi. Il fait savoir que les pays de la région ont joué un rôle important pour l'aboutissement des accords d'Arusha qui ont aidé les Burundais à assurer le retour à la démocratie. Il ajoute que les conséquences des mauvaises relations ne peuvent pas manquer, comme la suspension des aides suivies. Les relations entre la communauté internationale et le Burundi dépendent essentiellement des relations entre l'État et ses gouvernés. Si le Burundi dirige bien sa population, c'est cette population qui fera la propagande du Burundi à l'extérieur. Il y a d'autres pays qui sont très intéressés par cette stabilité au plus haut niveau et qui voudraient que cette situation évolue, qui voudraient réussir la réconciliation des Burundais. Mais où, à la fin, et finira par affirmer encore une fois que les accords d'Arusha soient appliqués intégralement. Quelles sont les conséquences par rapport à ces relations? Les conséquences par rapport à ces relations, c'est que d'abord cette instabilité déstabilise la sous-région, notamment au niveau des aides. L'Union européenne réclame une unité au sein de l'East African Community pour qu'ils puissent donner les aides de manière intégrale. Cela a pour conséquence également qu'une mauvaise position du Burundi a des conséquences sur les pays de la sous-région. Nous exportons nos compatriotes exilés dans les pays limitrophes. Nous sommes une charge pour leur pays. Toujours en page politique, les députés qui avaient été élus pour le compte de la coalition Amizero ya Barundi mais qui n'avaient jamais siégé ont été remplacés depuis ce mardi 11 octobre. La Cour constitutionnelle avait déjà constaté la vacance des postes qu'il devrait occuper dans son arrêt du 17 mars de cette année. Certains des députés qui vont les remplacer ont déjà reçu les lettres qui leur demandent de siéger dès ce mardi au Banyankuru. Le président de l'Assemblée nationale a déjà envoyé des lettres aux députés qui vont remplacer les députés défaillants de la coalition Amizero ya Barundi. Parmi ces nouveaux députés, il y a Ladislas Nindereye, Ferdinand Havdarimana, Emmanuel Ndayishimiye, Jean-Claude Kwizera et Olive Nkunzimana. Le 10 mars de cette année, le bureau de l'Assemblée nationale avait saisi la Cour constitutionnelle pour demander que cette dernière constate la vacance des postes de 8 députés d'Amizero ya Barundi. Selon l'article 11 du Code électoral, en cas d'absence injustifiée à plus d'un quart des séances d'une session ordinaire, le bureau instruit et clôture le dossier qu'il transmet ensuite pour compétence à la Cour constitutionnelle. Les députés qui ont été remplacés avait déjà totalisé 28 absences injustifiées pour la seule session d'octobre 2015. Il s'agit de Busokoza Bernard, Mizero Mireille, Jacques Gasuhuke, Ndikumasabo Terence, Ditige Charles, Ngaimenda Evariste, Sayinguvu Yves et Tassien Sibomana. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page justice de ce journal. Le procès des présumés auteurs de l'assassinat du général Adolphe Nshimirimana a été mis en délibéré par le tribunal de grande instance d'Onarangwa dans sa chambre criminelle en itinérance à Gitega depuis ce lundi, cela étant au moment où les accusés et leurs avocats rejettent en bloc toutes les accusations et demandent que leur libération soit immédiate et sans condition. Et pourtant, l'officier du ministère public, dans son réquisitoire, a demandé la perpétuité. Une correspondance d'Arthur Kavawushi. Le procès qui a eu lieu dans les enceintes du tribunal de grande instance de Gitega devant le tribunal de grande instance de Nahangwa dans sa chambre criminelle en itinérance à Gitega a connu la participation de beaucoup de personnes, y compris les défenseurs des droits de l'homme, tant étatiques que privés. Depuis 9h de ce matin, le siège écoutait les 8 accusés composés de 3 policiers et 5 militaires, tous emprisonnés dans la prison centrale de Gitega. Ces prévenus étaient accompagnés par leurs 2 avocats commis par l'Office du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. L'officier du ministère public a fourni devant le siège une preuve faite dans son dont il est difficile d'entendre le contenu. Il a en même temps, dans son réquisitoire, demandé la perpétuité pour ces prévenus. Les accusés, tout comme leurs avocats, indiquent que cette preuve est un montage qui aurait été fabriqué dans un bistro. Les prévenus ont alors demandé à la cour d'être relâchés sans condition pour qu'ils puissent regagner leur famille, regagner leur travail, mais aussi être dédommagés. Dans ce procès, les prévenus avaient comparu avec 8 témoins qui les ont déchargés de toute accusation. Les avocats de ces prévenus ont demandé la libération sans condition de ces prévenus car il y a absence de preuves. Ce procès qui a commencé ce lundi a été mis en délibéré et le verdict tombera après une période de 30 jours. Depuis Gitega, Arthur Kavawushi pour la radio Isanganiro. Page sécurité de ce journal, 3 morts et 2 blessés. Tel est le bilan d'une attaque à main armée perpétrée contre un bistrot de Rutemé en commune Bugarama de la province Rumonge. Dans la nuit de ce lundi, les auteurs de cette attaque et les mobiles ne sont pas encore connus. Au niveau de la police à Rumonge, on appelle la population à veiller pour sa propre sécurité. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Vers 20h de ce lundi, des hommes armés de fusils ont attaqué un bistrot de Saga sur la colline Rutemé, selon des sources sur place confirmées par la police à Rumonge. 3 personnes, parmi lesquelles le directeur de l'école fondamentale de Rutemé, sont mortes sur le champ et 2 autres blessés, selon les rescapés actuellement sur le lit d'hôpital. Selon ces rescapés, n'eût été l'intervention d'un policier en civil qui était sur place et qui a riposté en lançant une grenade, le bilan allait être lourd. Les auteurs de cette attaque en long manteau noir n'ont pas été identifiés car il faisait noir. Seulement, au Pessin 1, Donatien Manirakiza, commissaire provincial de police à Rumonge, dit qu'ils étaient au nombre de 4 armés de 2 fusils de type Kalachnikov. Ce responsable policier à Rumonge demande à la population de veiller à leur propre sécurité et dénoncer à temps tout suspect, mais aussi se secourir mutuellement, un comportement qui a déjà donné ses fruits sur certaines collines de la commune Burambi. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Quittons la province Rumonge pour nous rendre en province Bubanza où le cadavre d'un homme de la colline Rugeyo en zone Nhamba de la commune Musigati qui a été porté disparu depuis ce vendredi a été retrouvé ce mardi dans la forêt naturelle de la Kibira. Deux personnes qui ont montré où a été jeté ce corps sans vie ont été directement arrêtées en plus de 5 autres qui avaient été arrêtés ce lundi pour enquête. Une information que nous devons à notre correspondante Spes Caritas Kabanyana. Page éducation, l'orientation donnée par le ministère de la fonction publique par rapport à l'organisation de l'enseignement technique et des métiers n'est pas contraire au décret du président du 12 janvier 2015, comme le prétendent certains propriétaires des centres de formation professionnelle, indique le ministre burundais de la fonction publique, Félix Mozeliniga, appelle plutôt les propriétaires de ces centres à se conformer à l'orientation du ministère en inscrivant dans ces centres des élèves qui ont réussi au test de l'État. On l'écoute. Article 5 parle de la formation professionnelle. Les centres de formation professionnelle accueillent les lauréats de l'école fondamentale ayant satisfait aux critères d'orientation dans les centres de formation professionnelle. Est-ce que vous pouvez me dire qui sont ces critères sur lesquels ces gens se sont basés pour inscrire ces élèves? C'est la raison, en attendant que des textes réglementaires soient signés, que j'ai sorti ce communiqué pour ne pas désorienter la population. Parce qu'on n'avait pas encore commencé les inscriptions. Maintenant, il faut que chacun sache où il va s'orienter, dans quelle structure de formation il va s'orienter. Il y a des élèves qui sont déjà inscrits dans ces centres de formation professionnelle des privés. Où vont aller ces enfants? Ces enfants vont suivre la formation dans les centres appropriés. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas réussi au concours, ils vont suivre la formation dans les centres d'enseignement des métiers. S'ils ont réussi, ils vont suivre la formation dans les centres de formation professionnelle. Alors, juste que je demanderai à ces promoteurs de l'enseignement des centres privés, c'est se conformer aux orientations du ministère et aussi au décret pour le moment qui est toujours en vigueur. Le ministre de la fonction publique intervient après qu'un propriétaire d'un centre de formation professionnelle se soit plaint que l'orientation du ministre est contraire au dit décret du président. Le propriétaire de ce centre avait inscrit dans son centre de formation professionnelle des élèves qui n'ont pas réussi au test d'État alors que cette réussite est l'exigence du gouvernement. Les effectifs élevés des élèves dans les salles de classe et le manque de matériel scolaire causent un problème sérieux par rapport à la capacité des enseignants ainsi qu'à l'encadrement pédagogique des élèves. Tels sont les propos de David Ninganza, directeur de la protection et chargé de la communication au sein de la SGPAE. Toujours en page éducation, 20,9% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans et 2,8% avant l'âge de 15 ans au Burundi. Cela a été précisé par Bertil Wumi, assistante psychosociale à l'association Solidarité des femmes burundaises pour la lutte contre le sida à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des filles ce 11 octobre. Le thème de cette Journée internationale des filles pour cette année, c'est l'union fait la force sur 5 ans d'avancer vers la fin du mariage des enfants. Suivez. Les mariages des enfants existent aussi dans notre communauté. Pu donner des pourcentages à propos des 4 zones sur lesquelles nous avons fait une enquête. C'était la zone Kinahama, Kamenge et Chibitoke. Il y a 20,9% des filles qui sont mariées avant 18 ans et 2,8% des filles qui sont mariées avant 15 ans. Ça veut dire que le phénomène existe et que nous devons faire face à ça. Les conséquences, d'abord sur les filles, c'est qu'il peut y avoir des conséquences physiques, psychologiques, sociales, économiques. Les conséquences économiques, ça existe. Surtout, certains ont évoqué la cause de la pauvreté sur les mariages précoces des enfants. À cause de la pauvreté, il y a des familles qui marient leurs enfants pour pouvoir avoir cet argent ou cette vie aisée grâce à leur fille qui va se marier peut-être à un homme riche. Les conséquences économiques sur les filles sont que ce sont des enfants qui vont encore à l'école et que peut-être s'ils se marient, il y aura comme conséquence qu'elles ne vont pas continuer à l'école. La réhabilitation de cette marche de la capitale burundaise pourrait prendre fin au mois de novembre, l'annonce du Conseil économique de la mairie de Bujumbura. Christophe Kinshasa explique que le retard de cette réhabilitation est dû à l'entreprise chargée de la surveillance de ces marchés qui doit d'abord donner un rapport aux bailleurs. Les maisons d'habitation situées au bord de la rivière Nahangwa au quartier Kigobe sont menacées de destruction puisque l'eau ne cesse d'étendre l'espace de cette rivière à l'avenue Mukarakara qui mène vers Kigobe à partir du boulevard du 28 novembre n'est plus praticable. Il ne reste à certains côtés que 4 mètres pour que cette avenue se retrouve dans le champ de la rivière. Radio Isanganiro Chronique. La chronique santé de ce mardi nous parle de l'épilepsie qui est une maladie neurologique qui attaque toutes les catégories de personnes. Le neurologue Patrice Balasukana indique toutefois que cette maladie qui correspond à la répétition de crises peut être traitée, même guérir si la prise en charge est faite tôt. La chronique santé est signée Francine Dirokugayo. L'épilepsie est une maladie neurologique qui est due à une mauvaise communication entre les neurones. L'explication est celle du neurologue Patrice Balasukana qui nous parle également des différentes formes d'épilepsie et leurs causes. L'épilepsie, c'est une maladie chronique, neurologique, non pas mentale, qui est due à une décharge électrique au niveau des neurones. En fait, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise communication entre les neurones et cette mauvaise communication entre les neurones est à l'origine de la survenue d'une crise épileptique. Il y a d'abord ce qu'on appelle les épilepsies symptomatiques. C'est la plupart des causes, ce sont des causes lésionnelles, c'est-à-dire que le cerveau a été agressé soit par un traumatisme, soit par une infection, par exemple pour les enfants qui naissent par une anoxie, une mauvaise oxygénation du cerveau. Donc les causes symptomatiques sont les causes les plus fréquentes, autour de 70%, et qui sont à l'origine des épilepsies. Deuxième catégorie, ce sont des épilepsies idiopathiques, dont la cause n'est pas connue. Dans ce grand groupe se trouvent les épilepsies qui sont par ailleurs les plus fréquentes, comme les épilepsies absentes, les épilepsies généralisées, idiopathiques. Troisième cause, ce sont des épilepsies qu'on dit cryptogéniques. Là, on ne voit pas la cause, mais on suspecterait une cause, mais on ne la voit pas. L'épilepsie touche tous les âges, avec une fréquence plus élevée chez les enfants et les personnes âgées. Généralement, les moins de 20 ans et les adultes plus de 60 ans sont les plus touchés. Pourquoi ? Pour les moins de 20 ans, c'est la période où le cerveau est en train de se maturer. Donc le processus de maturation, moindre événement peut entraîner la survenue des épilepsies. Plus de 60 ans parce que le cerveau commence à prendre l'âge, il s'atrophie. C'est possible aussi qu'on ait de petites lésions liées à l'âge. Et donc toutes ces lésions, toutes ces anomalies peuvent être à l'origine de la survenue des crises épileptiques qui peuvent évoluer vers une épilepsie. Parmi les signes d'une épilepsie figurent une perte de conscience et convulsions qui durent moins de 5 minutes. Pour les crises généralisées, là, il faut comprendre les notions de perte de connaissance. On va retrouver des convulsions tonico-cloniques intéressant tout le corps avec perte de connaissance, révulsions oculaires, hypersalivation, une morsure de la langue, parfois perte d'urine. Il y a aussi un signe trop important, c'est l'amnésie de l'épisode, c'est-à-dire le malade ne se rappelle pas de ce qui est arrivé. Et là, c'est un des éléments qui doivent faire penser à une crise épileptique. Deuxième groupe de symptômes, c'est les symptômes qu'on retrouve dans les épilepsies partielles. Il y a une secousse intéressante, une partie du corps. Ça peut intéresser la bouche, ça peut intéresser les yeux comme le clignement des paupières, ça peut intéresser une partie du bras ou d'un membre, mais sans perte de connaissance. Troisième groupe de symptômes, c'est dans le groupe des épilepsies, on va dire les épilepsies absences. Ça intéresse généralement les enfants. L'enfant a un regard hagard et il ne parle pas, ne communique pas. Au bout de quelques secondes, maximum 5 secondes, l'enfant retrouve la vie normale, on va dire, mais il perd le fil de la discussion. N'oubliez pas aussi, un des signes aussi qu'on retrouve dans les épilepsies, c'est la chute atonique. C'est une chute brutale et on verra, c'est tous ces enfants qui auront des bosses, des bleus au niveau du visage parce qu'il y a des chutes répétitives. Ce neurologue indique toutefois qu'une seule crise convulsive ne suffit pas pour conclure à une épilepsie. Il s'agit aussi d'une maladie qui n'est pas contagieuse comme le pensent certains. Tout cela fera objet de notre prochaine chronique avec toujours le neurologue Patrice Balasukana. Merci à Francine Ndehokougaï pour cette chronique santé. Ainsi se referme ce journal. Mais je vous en rappelle la principale information à la une. Le gouvernement burundais suspend toute coopération et collaboration avec le Haut Commissariat des droits de l'homme burundi jusqu'à nouvel ordre et déclare indésirables les 3 experts onusiens ayant enquêté sur les violations des droits de l'homme au Burundi depuis fin avril 2015. Dans ce journal, vous avez suivi Philippe Nzobonariba, secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique. Excellente soirée à tous et à tous. Au revoir.